Bonjour à tout le monde. Bienvenue à Laetitia, à cœur de l'Amazonie colombienne. Ici, le climat est chaud et humide tout au long de l'année. Entre novembre et mai, c'est la saison des pluies. Les températures tournent autour de 26 à 30 degrés Celsius. Et les averses rafraîchissent la jungle chaque après-midi. De juin à octobre, le temps devient un peu plus sec, parfait pour des promenades en bateau sur l'Amazon ou des rencontres avec la faune locale. Pensez à emporter un imper léger, du spray anti-moustique et beaucoup d'eau. Ici, la nature est aussi belle qu'intense.